Attention, introduction d'un jeu. Attention, introduction d'un jeu. Ouais. Bonjour Ellie. Salut, c'est pas payé pour un début où on s'était dit qu'il fallait plus parler au micro. Ah, on a dit ça. Alors, bienvenue aux 16 minutes de l'Apocalypse et notre introduction alarmiste à propos d'un jeu n'était pas totalement gratuite. Non, c'était très concept. As-tu fini de Parce tousser, que sinon? j'ai la grippe. Ah, ça paraît. Mais non, c'était très concept parce qu'aujourd'hui, on va jaser comme d'habitude, Oui, mais mais. c'est parce qu'on s'est dit que les 16 minutes de l'Apocalypse étaient plates, fait qu'on s'est dit que pour passer le temps, on allait vous faire jouer au bingo. Fait qu'on a préparé une machine à bingo et vous allez avoir la possibilité de jouer au bingo avec nous. On a découvert un très bon moyen, c'est pas trop compliqué. C'est sûr que si vous avez un vrai jeu de bingo, allez vous chercher une carte et des pinouches, genre mettez ça sur pause. Mais sinon, mettez ça sur pause aussi, puis allez chercher dans Google Images. Vous tapez genre fiche de bingo ou carte de Carte de bingo bingo. dans Google Images, Puis vous choisissez n'importe puis là vous en laquelle. prenez une puis vous jouez au bingo. Puis Genre, copiez-la dans Paint, là, puis faites des X dessus des chiffres. Fait que OK. là, commencez par faire un X sur votre case Free. Ben, ça c'est la case au milieu, là. Ouais, la gratis. Ouais. Bon, Ouais, faites ça. Puis là, on va tout de suite on va commencer commencer avec le premier. avec I-27. Oh yeah. Oh, yeah, moi aussi. Là, c'est une ligne qu'on fait, hein, pas une carte pleine ou un quatre coins, Ouais, là. non, sinon on n'aura jamais le temps. Bon, on parle-tu de choses? Ouais, de quoi on voulait parler? Je sais pas, on pourrait parler Ah oui, de la fin de oui, session. c'est très actuel. Ça va-tu bien, toi, ta fin de session? Oh, pas pire, j'avais comme trois cours de colis cette semaine. Sauf que là, ça va être moins pire, trois cours, j'ai trois examens. Là, ça va être moins pire, ils vont être un peu plus distancés. Hein. Fait que, tu me dis quelque chose avant que je continue? I-16! I-16? Non, je l'ai pas. Non Donc, plus. c'est ça. Puis, d'ailleurs, ben, écoute, on peut enchaîner ça. Ben, avant qu'on continue sa fin de session. Quoi? Ben, parce que, tu sais, bon, je veux dire que la fin de session, c'est un grand ennemi de la bagarre, mais Ouais. je voulais te raconter quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'avais mon examen de géophysiologie. Ah, Ce que ça doit être assez qu'on fantastique. va parler dans un podcast éventuellement. En tout cas, puis c'est juste que, en tout cas, il y avait l'examen. Puis à la fin, il me restait un peu de temps. Puis je sais qu'il y a une partie de l'examen que je me suis comme un petit peu planté. Ben, pas que je me suis planté, mais que je savais pas quoi dire. Fait que là, à la fin, j'ai marqué comme. Il restait de la place dans mon cahier de réponse. Fait que j'ai marqué dans le but avoué de gagner des points supplémentaires et pour combler mon manque flagrant de connaissances sur les formes de roches, le sujet. T'en as écrit long. J'ai marqué. Voici un schéma de l'extinction massive d'il y a 65 millions d'années. Ça, c'est l'extinction des dinosaures, ok? Donc Ok. là, je dessinais le sol. Puis là, j'ai essayé de dessiner un beau triceratops. Ouais, là, I-17. 17. Et je I-17. l'ai pas. Donc, j'ai essayé de dessiner un triceratops qui ressemblait plus à un mouton avec quatre pattes et trois cornes. Cool. Mais qui était couché sur le côté avec un X à la place des yeux. Ah, Puis là, j'ai il était indiqué mort. que c'était un triceratops mort. Ok. C'est l'extinction des dinosaures. Puis après ça, j'ai fait un autre mouton plus gros avec des grosses dents méchantes. Ah, Là, j'ai le marqué T-Rex. Tyrannosaure mort. Ok, Puis cool. à côté, j'ai fait comme une flaque de chmu avec plein de sang. Puis là, j'ai marqué flaque de ptérodactyle qui a explosé suite à sa chute occasionnée par sa mort en plein vol. D'accord. Là, ben, je me demande juste comment le correcteur va réagir quand il va voir ça. Il va te donner peut-être 0,5 qui est juste pour donner des points, mais. Pense qu'il va juste me marquer un commentaire douteux. Moi, je pense qu'il va écrire N43. M43? N43. Ah, ça va bien mal. Pardon. C'est la grippe, Ali. Un petit peu, ouais. C'est-tu la grippe de l'hiver? La grippe de la bière. Ah, la La grippe de grippe à l'hiver. La bière. grippe de la La bière. bière. Non, mais. J'ai la grippe. Ouais, c'est l'hiver. J'ai la grippe. Chanceux. Moi, je l'ai pas encore pris. Ça devrait Mais s'en bon. venir. Mais étant donné que je passe la moitié de l'année avec des allergies, j'imagine que c'est la nature me récompense de mon martyrisation commune. Tu peux en piger toi Non, c'est aussi ça, des tu peux le chiffres. faire. Il est jamais dedans avec une Oh! machine à une pièce, là. B9. Oh, mon Dieu, ça va bien Mais ouais, je l'ai pas non plus. Mais sinon, ta fin de session, toi, il se passe des trucs intéressants, là? Ma fin de session, j'avais. Qu'est-ce que j'aurais d'intéressant? J'ai remis mon travail Bon, de le travail de commission. quoi? Mais ça, j'en ai assez parlé dans les podcasts que Ah je... ouais, La la commission. commission. Pourtant, D'ailleurs, attends, au 72. Mais continue, continue. c'est j'ai pas j'ai pas hey juste faire une petite parenthèse. Qu'est-ce qui gagne? Mon bingo? Ouais, qu'est-ce qu'on gagne? De la fierté? OK, si vous gagnez là, appelez-nous au 514-90 pirate. Pour nous dire quand vous avez gagné à peu près. Puis on va trouver quelque chose. Ça serait peut-être genre une carte de Noël. Ouais. On Non, va mais vous tout le envoyer monde une. va appeler pour dire qu'ils ont gagné. On veut une preuve. Pardon? Ça nous prend Une photo de la carte. une photo de la carte ou de votre une Snapchat de votre pinte. OK? Puis on garde les pinouches. En tout cas, on On les va a les dans le noter quelque podcast. part. Ben oui, on les écoute. On veut une photo de la carte si vous gagnez. Ouais. Oh, 65. Donc, qu'est-ce que tu disais avant ça, là? Qu'est-ce que je disais? Ben, mon travail de Ah commission. oui, commission, mais Qui t'en est as parlé en... en masse. Oui, j'en ai assez parlé, fait qu'on va éviter d'en parler plus. Ça m'a juste, c'est juste que dans un des livres que je lisais, il y avait il résumait un article à propos de, c'était genre des, pour montrer les troubles de communication puis la commission, puis c'est une affaire compliquée. Tout ça pour dire qu'il y avait un gars qui avait fait un programme informatique pour simuler une conversation. C'était très drôle la manière que c'était écrit. C'était genre John puis Ah oui, Mary tu me l'as montré. de chaque bord d'une porte. Puis John veut rentrer, mais il est pas capable d'ouvrir la porte parce qu'il sait pas qu'en ouvrant, il sait pas que pour rentrer, il faut que la porte soit ouverte. Parce que lui, il essaye de Il essaie rentrer, de mettre la porte est fermée, fait que ça mais marche il pas. dit que ça marche pas. Puis Mary, elle dit non, si tu ouvres la porte Ça va marcher. et que tu essayes de rentrer, ben Ouais. tu vas rentrer. Ouais. J'ai 53. Mais, ok, mais, ouais. Ouais, je m'en ouais, puis là, le genre, il savait juste ce qu'il avait appris, dans le fond, Ben en tout cas, pourquoi je te parlais de ça? Pourquoi? là. Oui, c'est parce que je suis en train d'écrire un scénario basé sur une idée comme ça. Donc il va y avoir deux personnes d'une porte. Puis je suis en train d'écrire ça. Je sais pas que c'est que ça va donner. J'écris ça un peu pour le fun. Mais je vais peut-être transformer ça en film pour la brigade à un moment donné. Ce serait le fun. Ouais, de la fin de la tournée, en tout Ça va être simple à tourner, cas. en tout cas. Mais en tout cas, fait que, évidemment, on sait que la fin de session est la pire. Ennemi Non, de la la brigade. deuxième pire ennemie. Oui, le premier ennemi, c'est bien sûr l'Allégradie. D'ailleurs, c'est en grande partie à cause de la fin de session qu'on a comme skippé un 16 minutes. En fait, on a skippé un podcast 4 Et un 16 et minutes. un ou deux 16 minutes. En tout cas, on a skippé belles affaires. Fait que, on s'excuse. C'est la fin de session est méchante. Mais pour vous consoler, on peut vous dire N44. Ah. Donc, bon, c'est ça. On a-tu, je pense qu'on a fait le tour de la fin de session. On va checker juste le temps qui nous reste. 6 minutes 52, presque 7. C'est pas Faut juste pire. On sortir va. trois pinoches de bingo d'un coup, là. On Ah. est quelqu'un qui a le temps de faire un bingo, là. B10. C'est-tu le B10, non? C'est le B10. B10, oui, j'ai ça. G49. Je l'ai. Pas moi. Et M. N35. M35. Je l'ai pas. Bon, Ah, il y a quelque chose de vraiment intéressant qu'on peut vous parler, qu'on a découvert l'autre jour. Je sais pas pourquoi. Ah oui, je viens de me rappeler pourquoi. Et puis je vais le raconter. G50. Oh, Je vais raconter. G50. Ouais. J'ai ça en Ouais, tête. j'ai compris. C'est J'ai tellement drôle. compris. C'est tellement drôle, le bingo. On va faire des tonnes de jeux de mots poche avec ça. Ok, donc. Segment tranche de vie. Quand j'étais jeune, au secondaire, il y a un de mes amis qui m'a dit que quand il était jeune, avec un de ses amis, il avait fait une recherche sur les gaz à effet de serre. B2. B2, ouais, les gaz à effet de serre. Et puis, il avait cherché à l'époque, Encarta. Ça Ouais, existe plus vraiment, je ben oui, pense, je l'ai maintenant. chez nous. Ah oui, ça existe encore. Ben, j'en garde pas 2000. Ouais, non, mais je pense qu'ils en font plus maintenant parce Je sais qu'ils se pas. disent tout le monde va sur Je pense que ça existe en Wikipédia. ligne. En tout cas, Encarta, il avait cherché, et puis il avait donc cherché gaz à effet de serre, puis là, il avait découvert que le mot gaz était prononçable. Alors, tu pouvais cliquer dessus, puis là, ça te donnait la prononciation de gaz, tu sais, Ouais, comme mais si mon on le petit savait pas. Robert en ce livre faisait ça. Ouais. Ah, cool. Fait que donc, évidemment, eux autres, mon ami, puis l'ami de mon ami, se trouvaient bien drôles. et ont cliqué, ils ont cliqué sur B5. Quel enchaînement. Ils ont cliqué dessus pour écouter et je me suis, il me l'a assez répété souvent que je me souviens parfaitement de comment ça se prononce et je vais vous le dire. Ça se prononce comme suit. Gaz. Ça fait un petit peu penser au capitaine Patna. Je l'ai un peu moffé, attends, c'est... Gaz. Ouais, c'était plus comme ça. Ça fait un peu penser au capitaine Patnaud, non? Ouais. N36. Oh, oh. Qui? Le capitaine Patnaud, mais il prononce des gaz. Des gaz. Ouais. Mais c'était... Gaz. Tout ça pour dire qu'on était sur le... Tout ça pour dire qu'on est allé checker pour niaiser, nous, en préparant un des podcasts. On est allé sur Wikipédia. On était sur le Wiktionary, en fait. Et on a découvert qu'il y a des mots qui sont prononçables, et donc on a été checker la prononciation de gaz. Et c'était très drôle. Puis après ça, on s'est mis à écouter tout plein d'autres mots comme ça qui sont enregistrés sur Wiktionary. Ah oui. Puis on a découvert quelque chose d'assez fabuleux. C'est presque toujours le même gars qui prononce les mots. Scoop ultime, c'est toujours le même. Pas toujours. Gars. Pas tout le souvent. Temps. Mais il y a plein de mots que c'est un gars qui a le même. Tout le même gars. Fait que ça veut dire qu'il y a un gars avec totalement pas de vie. N45. Un gars avec totalement pas de vie qui s'est mis à enregistrer tout plein de mots sur Wikipédia. Genre, il s'est dit, ah, je vais enregistrer des mots. J'ai rien à faire cet après-midi, je vais enregistrer des mots sur Wikipédia. J'ai rien à faire cette année. Fait que... N31. Fait que, on vous invite à aller écouter les mots sur Wikipédia, sur Wiktionary. C'est quoi, hein? C'est Wiktionnaire. C'est le Wiktionnaire, ouais. En tout cas, j'imagine que vous allez sur le site de Wikipédia en français, puis vous allez le trouver assez facilement. Oh, il y en a deux qui sont tombés. Deux de la shot. Ben, donne-en un à la fois, ou quoi, quelqu'un gagnerait. B11. Non, je l'ai pas. B13. Ah, non. Et, fait que, allez écouter ça, vous allez trouver ça très drôle. Puis là, on s'est dit, la brigade, on s'est dit qu'il fallait absolument aller, on s'est rendu compte que le mot brigade est pas prononcé. Fait que je me propose, là, je vais l'enregistrer tout de suite d'ailleurs, puis je vais le ripper pour Wikipédia. Je vais m'approcher du micro pour qu'on m'entende bien. Brigade. C'était-tu correct d'après toi? C'était magnifique. Merci. C'est bon, on pourrait enregistrer plein de mots comme ça. Des mots intéressants ou des mots drôles. Comme, mettons, I-26. Non, ça c'est vraiment drôle. Ou bien, encore mieux, G-46. Ça, c'est pas mal plus big que le G-8, hein? Ouais, hein? C'est beaucoup de pays, je trouve. Pas mal. Combien de pays dans le monde, juste pour le fun? Là? 150, je pense. Quelque chose de même. Fait que c'est comme le tiers. Oh, c'est gros. C'est quand même raisonnable. C'est pas trop pire. O75. Yeah. C'est comme le dernier chiffre du bingo. Ouais. Ouais. Cool. Là, il ne reste pas rien à attendre. Ouais, je dis, personne qui a gagné. Ben, en tout cas, aucun de nous deux. Finalement, notre machine à une pièce ne va pas très bien. on a beaucoup de budget à la brigade, hein. G52. Que je n'ai pas, évidemment. Et I24. Je tiens à préciser que 24 à l'envers, ça fait 42. Hey, on n'a-tu rien à dire dans ces maudits podcasts de la ben, écoute, il nous reste une minute à boucher avec O74. Non. Ben, c'est plate, un podcast de bingo quand on y pense. Quand on avait quelque chose à dire, c'était pas pire, mais là, on s'imagine que quelqu'un a gagné, je veux dire. Ben, j'espère. De maintenant. G56. Bon, mais continue de parler, puis je vais plugger quelque chose. En fait, c'est une de tes découvertes, mais je vais en parler moi-même. Quoi ça? À propos du Rona. Non, c'est pas une découverte de moi. C'est pas toi qui l'as découvert? Ah, bon, ben c'est pas Oli qui l'a découvert. Oli pis moi, on a travaillé pendant un gros 2-3 mois. B8 et bingo. Ah, tu me niaises! J'ai la diagonale. Ah, merde! Mais là, faudrait continuer à donner des chiffres pareils. On peut faire ça, il reste combien de temps? Il reste... 25 secondes. Peut-on peut raconter vite fait le Rona? Oui, ben raconte-les, je continue à donner des chiffres. Ouais, ben c'est parce qu'au Rona, on était aux caisses, on travaillait aux caisses, puis il y a du monde aux caisses qui nous ont fait remarquer qu'en arrière de nous, là, devant la sortie, c'est marqué quelque chose du genre... En gigantesque sur le Rona. Énorme. Là, énorme. Quelque chose du genre, toujours plus pour vous aider. I-23. Et aider, c'est écrit A-I-D-E-Z. Tu sais, c'est pour vous aider, on s'entend que c'est ER. Oups. Puis en tout cas là, c'est l'apocalypse là bientôt, mais en tout cas en gros c'est ça. C'est un écran gigantesque avec une grosse porte d'orthographe lettre. Puis on l'a fait remarquer à une des gérantes, elle a comme dit ben là, c'est vous là, c'est EZ pour vous aider. Et Oli, explique-nous donc G51, la vraie orthographe de Mais toujours plus pour vous aider. c'est EDER, c'est à l'infinitif. Oh, c'est comme la deuxième apocalypse. Même un téléphone qui sonne. Bon, alors, je donne un dernier chiffre et on va terminer là-dessus. Allô? N37. Ouais. Et là, ben, c'est l'apocalypse. Ben, je pense Alors, que oui. on espère que quelqu'un a gagné. Et si vous avez gagné, ou même si vous étiez comme sur le bord de gagner, vous appelez-nous, ça va être le fun. Le plus proche de gagner va... Oh non, faudrait que Salut. quelqu'un qui a battu Oli. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Si Salut. quelqu'un a battu Oli, on lui donne Rien. un beau cadeau de Noël. Ouais, bon. Ceci dit, il serait temps de mourir. Fait que, ouais. On va leur donner un dernier pour la loc. Des fois que ce serait 42. Ah, c'est même pas ça. Oh, 67. Oh, je l'ai, mais j'ai déjà gagné. C'est tout. Bye. Boum.